quoi bon, grand-père? On se crève au labeur, on saccage, on pille, on viole les femmes, et total, eh ben... Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces balivernes, Eric? Et où on va avec tout ça, grand-père? T'as parlé à quelqu'un, toi? J'ai vu cette fille, là. Les bonnes femmes. C'est toujours les bonnes femmes qui nous collent des tas de problèmes. Yeah!